Chapitre 7e. Après la disparition du seigneur Appétit, cet étrange cuisinier qui offrait ses services avec une si superbe assurance, le chanoine, resté seul, se dit en se levant péniblement de son fauteuil et marchant çà et là avec une sorte d'agitation. L'orgueilleux aplomb de ce cuisinier me confond et m'impose malgré moi. Mais s'il croit avoir affaire à un novice en gastronomie, il est dans l'erreur. Je le lui ferai bien voir. Allons, que je suis fou de m'inquiéter ainsi. Est-il une puissance humaine capable de me donner dans 5 minutes cette faim qui me fait défaut depuis 2 mois? Ah, maudit capitaine Horace, que je vais avoir de plaisir à te faire mettre sous les verrous, à penser que tu n'auras pour toute nourriture que la nauséabonde pâtée des prisonniers, arrosée d'un verre de vin bleu, à progosier comme une râpe, acide comme du vinaigre tourné. Mais bon, ce scélérat, habitué sans doute aux fréquentes privations des gens de mer, est capable de rester indifférent à ce martyre et de conserver son insolent appétit, tandis que moi... Ah, si ce cuisinier ne mentait pas! Mais non, comme tous les Français, c'est un vantard, un orgueilleux. Et pourtant son assurance me semble consciencieuse. Il a d'ailleurs dans le regard, dans la physionomie, quelque chose de dominateur. Au fait, quel est cet homme? D'où vient-il? Puis-je me fier à sa sincérité? Je me rappelle maintenant que lorsque je lui parlais de l'impossibilité de ranimer mon appétit, il m'a répondu d'un air étrange. « Seigneur, je suis peut-être magicien. » S'il existe des magiciens, ce sont des fils du mauvais esprit, et Dieu me garde d'en jamais rencontrer. Il faudrait donc que cet homme fût réellement magicien pour me faire manger. Hélas, je suis un grand pécheur. Satan prend toutes les formes, et si... Oh non, non, à cette seule pensée, je frissonne. Écartons de si funestes préoccupations. Puis, après un moment de silence, et regardant sa pendule, le chanoine ajouta « Voici bientôt midi. Malgré moi, plus l'heure fatale approche, plus mon anxiété redouble. J'éprouve une émotion singulière. Je puis m'avouer cela moi-même, j'ai presque peur. Il me semble qu'à cette heure, cet homme se livre à une incantation mystérieuse, qu'il machine quelque chose de surhumain. Car ressusciter un mort ou ressusciter mon appétit, ce serait accomplir le même prodige. » Et cet homme étonnant s'est fait fort de l'accomplir, ce prodige. Et s'il l'accomplissait, il me faudra donc reconnaître son pouvoir surnaturel. Allons, allons, j'ai honte de cette faiblesse. C'est égal, je me sens inquiet. Sonnons, Pablo. Et il sonna. Oui, le silence de cette demeure, la pensée que cet homme singulier est là, dans cette cuisine souterraine, courbé sur ses fourneaux embrasés, comme quelque mauvais esprit occupé de maléfices, tout cela me cause une impression extraordinaire. « Ah ça, Pablo ne m'entend donc pas ?» s'écria le chanoine dont l'inquiétude augmentait, et il sonna de nouveau violemment. Pablo ne parut pas. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Don Diego en jetant autour de lui des regards effarés. « Pablo ne vient pas ? Quel effrayant et morne silence ! Oh, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire. Je n'ose faire un pas. » Et prêtant l'oreille, le chanoine ajouta « Quel est ce bruit sourd? Cela n'a rien d'humain. On approche, on vient. Ah, oh, je n'ai pas une goutte de sang dans les veines. » À ce moment, la porte s'ouvrit si violemment que le chanoine poussa un cri et cacha sa figure entre ses mains en balbutiant « Vade, retro Satanas !» Ce n'était pourtant point Satanas, mais Pablo, le majordome, qui, n'ayant pas répondu aux 2 premiers appels de son maître, avait précipitamment couru et ainsi causé ce bruit que l'imagination superstitieuse du chanoine transformait en un bruit mystérieux et surhumain. Le majordome, frappé de l'attitude du chanoine, lui dit en s'approchant « Ah, mon Dieu, qu'avez-vous, Seigneur ?» À la voix de Pablo, Don Diego abaissa ses grosses mains, dont il couvrait son visage, et laissa voir à son serviteur des traits encore frissonnants d'épouvante. « Seigneur, Seigneur, que s'est-il donc passé ?» s'écria le majordome. « Rien, mon pauvre Pablo, une idée folle dont je rougis à cette heure. Mais pourquoi tu t'en tardais à venir ?»« Seigneur, ce n'est pas ma faute. Comment cela ?»« J'avais voulu, Seigneur, par curiosité, entrer dans la cuisine pour voir à l'œuvre ce fameux cuisinier. Eh bien, Pablo ?» Après que je l'ai eu aidé à transporter son coffre, cet homme étonnant m'a prié de sortir de la cuisine où il voulait, disait-il, être absolument seul. Ah, Pablo, comme il s'entoure de mystères. J'ai obéi, Seigneur, mais je n'ai pu résister au désir de rester en dehors, à la porte, pour écouter. Non, Seigneur, pour flairer, pour sentir. Eh bien, Pablo. Ah, Seigneur, Seigneur, achève. Peu à peu, il s'est répandu à travers la porte une odeur si agréable, si agaçante, si provocante, qu'il m'a été impossible de m'en aller. J'eusse été cloué à cette porte, que je ne serais pas resté plus immobile. J'étais étourdi, fasciné. Vraiment, Pablo? Vous le savez, Seigneur, vous m'avez abandonné l'excellent déjeuner que l'on vous a porté ce matin. Hélas, oui. Ce déjeuner, je l'ai mangé, Seigneur. Heureux, Pablo. Eh bien, Seigneur, cette odeur que je dis était si appétissante que je me suis senti tout à coup possédé d'une faim furieuse, et sans quitter la porte, j'ai pris sur une des tablettes de l'office un gros morceau de pain sec. Et tu l'as mangé, Pablo? Je l'ai dévoré, Seigneur. Sec, sec, répondit le majordome en inclinant la tête. Sec? S'écria le chanoine en levant les mains et les yeux au ciel. C'est un prodige. Il a déjeuné comme un ogre il y a une heure et il vient de se bourrer de pain sec. Oui, Seigneur, et ce pain sec, seulement assaisonné de cette succulente odeur, m'a paru le plus délicieux des mets. À ce moment, midi sonna. Midi, s'écria le majordome. Ce cuisinier merveilleux m'a recommandé de vous servir, Seigneur, un midi précis. Le couvert est tout préparé sur une petite table. Je vais l'apporter. Va, Pablo, dit le chanoine d'un air recueilli. Ma destinée va s'accomplir. Le prodige, s'il y a prodige, va s'opérer, s'il doit s'opérer. Car je le jure, malgré tout ce que tu viens de me conter, je n'ai pas le moindre appétit. J'ai l'estomac pesant, la bouche pâteuse. Va, Pablo, j'attends. Il y avait une résignation pleine de doutes, de curiosité, d'angoisse et de vague espérance dans l'accent avec lequel Don Diego exclama ce mot « J'attends ». Bientôt le majordome reparut. Il marchait d'un air solennel, portant sur un plateau un petit réchaud d'argent de la grandeur d'une assiette surmontée de sa cloche. À côté de ce plat, on voyait un petit flacon de cristal rempli d'un liquide limpide et couleur de topaze brûlée. Pablo, tout en s'avançant, approchait parfois son long nez de la cloche comme pour aspirer les miasmes appétissants qui pouvaient s'échapper. Enfin, il plaça sur la table le petit réchaud, le flacon et un petit billet. « Pablo, demanda le chanoine en indiquant du geste le réchaud surmonté de sa cloche, qu'est-ce que cette argenterie? Elle appartient à Monsieur Appétit, Seigneur. Sous cette cloche est une assiette à double fond remplie d'eau bouillante, car il faut surtout, dit ce grand homme, manger brûlant. Et ce flacon, Pablo? Son emploi est indiqué sur ce billet, Seigneur, qui vous annonce les mets que vous allez manger. Voyons ce billet, dit le chanoine. Et il lut. Œufs de pintade frits à la graisse de caille relevée d'un coulis d'écrevisse. Nota bene, manger brûlant, ne faire qu'une bouchée de chaque œuf après l'avoir bien humecté de coulis. Mastiquer pianissimo. Boire, après chaque œuf, deux doigts de ce vin de Madère de 1807 qui a fait 5 fois la traversée de Rio de Janeiro à Calcutta. Boire ce vin avec recueillement. Il m'est impossible de ne pas prendre la liberté d'accompagner chaque mets que je vais avoir l'honneur de servir au Seigneur Don Diego d'un flacon de vin approprié au caractère particulier du mets sudit. Quel homme ! S'écria le majordome avec une expression d'admiration profonde. Quel homme ! Il pense à tout ! Le chanoine, dont l'admiration allait croissant, souleva la cloche d'argent d'une main tremblante et émue. Soudain, une émanation délicieuse s'épandit dans l'atmosphère. Pablo joignit les mains, dilata démesurément ses larges narines et regarda d'un œil avide. Au milieu de l'assiette d'argent et à demi baigné d'un coulis onctueux et velouté, d'une belle nuance vermeille, le majordome vit 4 petits œufs ronds, mollets et semblant frémir encore dans leur friture fumante et dorée. Le chanoine, frappé comme son majordome de la délicieuse senteur de ce mets, le mangeait littéralement du regard et pour la première fois depuis 2 mois, une soudaine velléité d'appétit chatouilla son palais. Néanmoins, il doutait encore, croyant à la trompeuse illusion d'une fausse faim. Cependant, il prit dans une cuillère un des petits œufs bien imprégnés de coulis et l'enfourna dans sa large bouche. « Mangez pianissimo !» Seigneur, s'écria Pablo, qui suivait chaque mouvement de son maître avec de grands battements de cœur. Mastiquez lentement, a dit le magicien, et buvez ensuite de ceci suivant l'ordonnance. Et Pablo versa deux doigts du vin de Madère de 1807 dans un verre mince comme une pelure d'oignon et le présenta à Don Diego. Ô miracle ! Ô merveille ! Ô prodige ! Le second mouvement de mastication pianissimo était à peine accompli que le chanoine renversait doucement sa tête en arrière, puis fermant à demi les yeux dans une sorte d'extase, il croisa sur sa poitrine ses deux mains, dont l'une tenait encore la cuillère dont il venait de se servir. « Eh bien, Seigneur, » dit vivement Pablo en présentant à son maître les deux doigts de vin de Madère, « eh bien ?» Le chanoine ne répondit pas, prit le verre avec empressement et le porta à ses lèvres. « Et surtout, buvez avec recueillement, Seigneur !» s'écria Pablo, scrupuleux observateur de l'ordonnance du cuisinier. Le chanoine but, en effet, avec recueillement, fit ensuite claquer sa langue contre son palais, et si cela se peut dire, s'écouta pendant un instant savourer le bouquet du vin qui se confondait merveilleusement avec le délicieux arrière-goût du mets qu'il venait de déguster. Puis, toujours sans répondre aux interrogations de Pablo, le chanoine mangea pianissimo les trois derniers œufs de pintade avec une délectation pensive et croissante, vida le petit flacon de vin de Madère, et faut-il avouer cette énorme incongruité. Il saussa si scrupuleusement de son pain le coulis d'écrevisse dont étaient baignés les œufs, que le fond de l'assiette d'argent brilla bientôt d'un lustre immaculé. S'adressant alors pour la première fois à son majordome, Don Diego s'écria d'une voix attendrie, pendant que quelques larmes brillaient même dans ses yeux. « Ah, Pablo, qu'y a-t-il, Seigneur, cette émotion ? Pablo, je ne sais qui a dit que les grandes joies avaient quelque chose de mélancolique. Ce quelqu'un ne se trompait pas, car l'infirmité de notre nature nous fait souvent fléchir sous le poids des plus grands bonheurs. Ainsi, depuis deux mois, voici la première fois qu'à bien dire je mange, et que je mange comme je n'ai jamais mangé de ma vie. Non, non, car aucune langue humaine, vois-tu, mon pauvre Pablo, ne peut exprimer la finesse, la délicatesse exquise de ce mets, si simple en apparence, des œufs de pintade frits dans de la graisse de caille, arrosée d'un coulis d'écrevisse. Non. Vois-tu, à mesure que je les savourais, je sentais mon appétit renaître, et à présent, j'ai beaucoup plus faim qu'avant d'avoir mangé. Et ce vin, Pablo, ce vin, comme c'est fondu, hein ? Hélas, Seigneur, dit le majordome d'un air piteux, je ne sais point le goût de ce vin, mais je me plais à vous croire. Oh oui, crois-moi, mon pauvre Pablo, c'est à la fois sec et velouté, que te dirais-je, un nectar. Et si tu savais, Pablo, comme la saveur de ce nectar se marie admirablement au parfum du coulis d'écrevisse, c'est idéal, Pablo, idéal, te dis-je. Aussi je devrais être rayonnant, fou de joie, en retrouvant ainsi mon appétit perdu. Eh bien non, je me sens pris d'un attendrissement ineffable. Enfin, je pleure comme un enfant, Pablo. Tu le vois, je pleure, j'ai faim. Un coup de sonnette retentit. Qu'est-ce que cela, Pablo ? « C'est lui, Seigneur. »« Qui ? Le grand homme. Il nous sonne. »« Lui ? Oui, Seigneur, » répondit Pablo en enlevant l'assiette. « Il affirme que ceux qui mangent doivent être à la sonnette de ceux qui font manger, car ceux-ci savent seuls l'heure, la minute, l'instant où chaque mets doit être servi, dégusté, pour ne pas perdre un atome de sa valeur. » C'est très profond ce qu'il dit là. Il a raison. « Cours donc, Pablo. Mon Dieu, voilà qu'il sonne encore. » Pourvu qu'il ne se formalise point, va, vite, vite !» Le majordome courut, et avouant cette autre énormité, le malheureux, poussa par une dévorante curiosité, osa lécher avec une avidité désespérée l'assiette qu'il remportait, quoique le chanoine ne le laissait nette et brillante. On s'imagine avec quelle impatience de plus en plus vive et croissante le chanoine attendit les différents mets, toujours inconnus à l'avance, dont se composa son déjeuner. Chaque service était accompagné d'une ordonnance, comme disait Pablo, et d'un nouveau flacon de vin tiré sans doute de la cave de ce singulier cuisinier. La collection de ces bulletins culinaires donnera une idée des délices variés que goûta Don Diego. Après la note qui annonçait les œufs de pintade, se déroula successivement le menu suivant, dans l'ordre où nous le présentons. Truite du lac de Genève au beurre de Montpellier frappée de glace. Enveloppez hermétiquement chaque bouchée de ce poisson exquis dans une couche de cet assaisonnement de haut goût. Mastiquez Allegro. Boire deux verres de ce vin de Bordeaux, Sauterne 1834. Il a fait trois fois la traversée de l'Inde. Ce vin peut être médité. Un peintre ou un poète eût fait de cette truite au beurre de Montpellier, frappée de glace, un portrait enchanteur, avait dit le chanoine à Pablo. Voilà, cette charmante petite truite à la chair couleur de rose, à la tête nacrée, voluptueusement couchée sur ce lit d'un verre éclatant, composé de beurre frais et d'huile vierge, congelé par la glace, auquel l'estragon, la ciboule, le persil, le cresson de fontaine ont donné cette gaie couleur d'émeraude. Et quel parfum! Comme la fraîcheur de ces assaisonnements contraste délicieusement avec le haut goût des épices qui la relèvent. Et ce vin de Sauterne, quelle ambroisie si bien appropriée, comme dit ce grand homme de cuisine, au caractère de cette truite qui me donne un appétit croissant. Après la truite vint un autre mets accompagné de ce bulletin. Filet de grouse aux truffes blanches du Piémont, émincé cru. Enchâssez chaque bouchée de grouse entre deux roufles de truffes, et bien humectez le tout avec la sauce à la Périgueux, truffe noire, servie 6 juin. Mastiquez forte, vu la crudité des truffes blanches. Boire deux verres de ce vin de Château Margaux 1834. Il a aussi fait le voyage des Indes. Ce vin ne se révèle dans toute sa majesté qu'au déboire. Ces filets de grouse, loin de l'apaiser, excitèrent jusqu'à la fringale l'appétit toujours croissant du chanoine. Et sans le profond respect que lui inspiraient les ordres du grand homme de cuisine, il eût envoyé Pablo devancer le coup de sonnette et chercher un nouveau prodige culinaire. Enfin, ce coup de sonnette se fit entendre. Le majordome revint bientôt avec cette note qu'accompagnait un autre mets, râle de genêt rôti sur une croûte à la sardade impale. Ne mangez que les cuisses et le croupion des râles. Ne pas couper la cuisse, la prendre par la patte qui la termine, la saupoudrer légèrement de sel, trancher net au-dessus de la patte et tout broyer, chair et os. Mastiquer largo et fortissimo. Manger presque simultanément une bouchée de la rôtie brûlante, enduite d'un condiment onctueux dû à la combinaison de foie et de cervelle de bécasse, de foie gras de Strasbourg, de moelle de chevreuil, anchois pilé, épices de haut goût, etc. Boire deux verres de Clos Vougeot de 1817. Verser ce vin avec émotion, le boire avec religion. Après ce rôti, digne de Lucullus ou de Trimalcion, et savouré par le chanoine avec idolâtrie et une faim inassouvie, le majordome reparut avec deux entremets que le menu signalait ainsi. Morille aux fines herbes et à l'essence de jambon. Laissez fondre et dissoudre dans la bouche ce champignon divin. Mastiquez pianissimo. Boire un vin de Côte Rôtie 1829 et un verre de Johannisberg de 1729 provenant de la Grand Foudre municipale des bourgmestres de Heidelberg. Aucune recommandation à faire à l'endroit du vin de Côte Rôtie. Ce vin est fier, impérieux, il s'impose. À l'égard du vieux Johannisberg de 140 ans, l'aborder avec la vénération qu'inspire un centenaire, le boire avec componction. Deux entremets sucrés. Boucher à la duchesse, à la gelée d'ananas. Mastiquer amoroso. Boire deux ou trois verres de ce vin de champagne frappé de glace. Sillery sec, année de la comète. Dessert, fromage de brie de la ferme d'Estouville, près Meaux. Cette maison a eu, pendant 40 ans, l'honneur de servir la bouche de M. le prince de Talleyrand, qui proclamait le fromage de brie le roi des fromages, seule royauté à laquelle ce grand diplomate soit resté fidèle jusqu'à sa mort. Boire un verre ou deux de vin de Porto tiré d'une barrique retrouvée sous les décombres du grand tremblement de terre de Lisbonne. Bénir la Providence de ce miraculeux sauvetage et vider pieusement son verre. Nota bene. Jamais de fruits le matin. Il réfrigère, charge et obère l'estomac aux dépens du repas du soir. Se rincer simplement la bouche avec un verre de crème des Barbades de Madame Enfou, 1780, et faire une légère sieste en rêvant au dîner. Il est inutile de dire que toutes ces prescriptions du cuisinier furent suivies de point en point par le chanoine, dont l'appétit, chose prodigieuse, avait semblé augmenter à mesure qu'il était alimenté. Enfin, après avoir savouré jusqu'à la dernière goutte son verre de liqueur des îles, Don Diego, l'oreille écarlate, l'œil doucement voilé, la joue colorée, commença de ressentir la tiède moiteur et la légère torpeur d'une heureuse et facile digestion. Alors, se laissant aller dans son fauteuil avec un accablement délicieux, il dit à son majordome « Si je ne sentais sourdre une faim de tigre, qui ne fera que trop tôt explosion, je me croirais dans le paradis. Aussi, Pablo, va me chercher ce grand homme de cuisine, ce véritable magicien. Dis-lui qu'il vienne jouir de son ouvrage. Dis-lui qu'il vienne juger de la béatitude ineffable où il m'a plongé. Dis-lui surtout, Pablo, que si je ne vais pas moi-même lui témoigner mon admiration, ma reconnaissance, c'est que... » Le chanoine s'interrompit à la vue de l'artiste culinaire, qui entra brusquement dans le salon et s'arrêta en face de Diego en attachant sur lui un regard étrange.